chacun son histoire, à chacun son tremblement. Comme dans ma mémoire, il fait si froid si souvent. Je vais vous raconter, c'est passionnant, l'histoire d'une demoiselle, sans faire un long roman. Je vous raconte la querelle. Elle veut être libre sans se prendre la tête. Mais alors que l'on délivre l'anarchie dans les fêtes. Oh, oh, oh, Margot, Margot, elle est libre, mais libre juste dans l'amitié. Oh yeah, oh yeah, Margot, Margot n'est pas un livre, elle n'est pas un objet en papier. Oh yeah, Margot, Margot, oui, elle veut vivre, maître de rare fond d'elle une réservée. Oh yeah, Margot, attends l'homme des contes de fées. Mais ses amis, ils sont fous, oui, ils sont vraiment fous d'amour. Et puis ensemble, ils sont jaloux, et ce sont les combats qu'on savoure. Ils avalent à eux sales cette bande d'amis tellement avant heureux, qui aujourd'hui n'a plus d'orgueil, préfère ne pas abandonner ses aveux. Elle n'aime pas ça du tout, elle ne peut plus vivre avec ça. Elle qui voulait rire avec nous, la voilà souffrir pleurant tout bas. Et toi, tu m'aimes? Oh, oh Margot, Margot, elle est libre, mais libre juste dans l'amitié. Oh yeah, Margot, Margot n'est pas un livre, elle n'est pas un objet en papier. Oh yeah, Margot, Margot, oui, elle veut vivre, maître d'erreur fond d'elle une réservée. Oh yeah, Margot, un ton l'homme des contes de fées. Elle est libre, mais libre juste dans l'amitié. Oh yeah, Margot, Margot n'est pas un livre, elle n'est pas un objet en papier. Oh yeah, Margot, Margot, oui, elle veut vivre, maître d'erreur fond d'elle une réservée. Oui, oh yeah, Margot, voit-on l'homme des contes de fées.